طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فبحمد الله وصلنا في هذا الكتاب البديع في كتاب الطلاق. Par la grâce et la volonté d'Allah Azzawajal, on est arrivé dans ce livre, le livre qui concerne les règles, ahkam al-nisa, les règles juridiques propres aux femmes. On est arrivé au chapitre sur le divorce. ونحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات. Et on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a fait parvenir jusqu'à cet endroit, car on a énormément appris et énormément profité durant les chapitres précédents, jusqu'à ce qu'on arrive sur un des chapitres les plus importants du livre. Wa للأسف الشديد كثير من الناس من الرجال والنساء يغفلون عن التعلم في مثل هذه الأبواب. Et c'est avec un fort regret qu'on constate que bon nombre d'hommes et de femmes sont insouciants sur l'apprentissage de ce genre de chapitre. فكما ينبغي على العبد أن يتعلم التوحيد والشرك معا ينبغي أن يتعلم أحكام النكاح إذا قدم عليه وكذلك أحكام الطلاق. Comme il convient ou comme il est impératif à l'homme de connaître le tawhid, l'unicité d'Allah, et ce qui le contredit, c'est-à-dire le shirk, il lui convient aussi d'apprendre les règles de mariage et ce qui les annule, c'est-à-dire le divorce. نعم. وهذا هو العلم يا إخوان. العلم لا يعدله شيء. Voilà, je me lasse pas de répéter ça, que la science n'a pas d'ego. يا إخوان, هذا الجلوس ستجده يوم القيامة. Cette assise qu'Allah vous a accordée, vous allez la retrouver devant vous يوم القيامة. وهذا كفاكم شرفا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon une traduction approximative, et certes, Allah élève parmi les croyants, Allah élève ceux qui ont reçu la science. وها هو العلم النافع. Et ça, ces chapitres qui passent devant nous tous les dimanches, c'est ça la science. قال الله قال الرسول قال الصحابة الكرام. Hein, la parole d'Allah, la parole du prophète, la parole des compagnons, c'est ça l'ilm, haqiqatan. Fahrisu, waffaqakum Allah, ala al-hudur, la siyama fi hadhi al-abwab al-nafi'a. Donc, je vous enjoins fortement à être présent dans ce genre de cours, surtout pour ce chapitre. Car c'est un chapitre très très important. C'est un chapitre très très important. Vous voyez, ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. Allah il demande au prophète عليه الصلاة والسلام de dire, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au prophète de lui demander, de lui rajouter de la science. فهمنا من هذا من هذه الآية أن الرسل بحاجة ماسة إلى العلم. Juste avec ce verset, tu comprends que les messagers, qui sont les meilleurs des créatures à la lettre là, ils sont dans un besoin de la science. فَمَنْدُونَهُمْ مِنْ بَمْ بِلَاوْلَ. Donc celui qui est moindre, celui qui est moins, qui a moins de mérite que les messagers, d'une manière encore plus évidente, il a besoin de science. يَا أَخِي تَحْتَاجِ إِلَى الْعِلْمِ لَمَّا تَأْكُلْ وَلَمَّا تَنَامْ وَلَمَّا تَسْتَيْقِظْ ولما تخرج من بيتك ولما تقرب من أهلك ولما تنكح ولما تطلق ولم في جميع الشؤون تحتاج إلى العلم. dans toutes tes situations de vie, dans toutes les situations qui passent devant toi, tu as besoin de science. Wa kama ta'lamoun fi hadhihi al-azmina yani nazala 'ala al-umma ma nazala min al-jahl wa ma nazala min al-dhulm wa ma nazala min al-baghy fatajid fi mithl hadha al-bab kam min mufarrat wa kam min ghalin. Comme vous le savez, on vit une époque où la communauté musulmane a été touchée de bon nombre de maux. Que ce soit l'injustice, que ce soit l'augmentation de l'ignorance ou autre. Non. Jusqu'à dans ce genre de chapitre, on trouve combien parmi les gens qui soit transgressent ou soit sont négligents d'une négligence qui leur coûtera cher, yawm al-qiyam. فنحمد الله عز وجل دونك ونمرسي الله عز وجل وندمند الله كي نو راجوت وندمند الله كي نو راجوت دو لا سيونس. وستجدون ان بعد كل درس من هذه الدروس نخرج على فوائد وعلم. طيب اذا وصلنا عند كتاب الطلاق. والطلاق في اللغه حل الوثاق. حل الوثاق. الطلاق selon la langue arabe c'est si on peut traduire comme ça désengagement. Donc, linguistiquement parlant c'est le fait de se désengager ou de lâcher. Lâcher une chose. يقال أطلقت الناقة إذا صرحت حيث شاءت. On parle, on dit utliqat an-naqa, la chamelle a été utliqat, c'est-à-dire la chamelle a été libérée lorsque elle s'en va, elle gambade et elle va paître là où elle veut. Non. Wa huwa fi al-istilah hil qayd an-nikah aw ba'dah. Et dans un terme religieux, le talaq, c'est le fait de libérer le lien du mariage ou une partie du lien. Le talaq, c'est le fait de libérer le lien du mariage ou une partie de ce lien. Qui peut m'expliquer ça? Libérer le mariage, hada mafhoum. Lakin ba'd. بعضه là toi quand tu talak tu te libères du mariage ou d'une partie, mais les enfants ils ont pas de chaîne, ils ont pas de part là-dedans. La dot, je répète la phrase, ça y est, les filistélah. C'est le fait de se libérer du lien ou de la tâche du mariage ou d'une partie de ce lien. Là. Aïwa, les lains d'arbre. Ça veut dire quand on parle de se libérer du lien du mariage, ça c'est le talaq définitif. Tamam? Celui soit où il y a eu trois talqas, ou celui où elle est sortie de sa période de idda. Tamam? Ou il y a le talaq al-rij'i, celui qui est récupérable. Celui-là, c'est ce qu'on appelle c'est le ba'd. Vous avez compris ça? طيب حل قيد النكاح او بعضه. نعم. والشيخ العثيمين يقول وهذا التعريف غير مانع لانه يدخل فيه الفسوخ Et Cheikh Al-Uthaymine, il dit, il critique cette définition en disant que c'est une définition qui n'est pas assez qui n'est pas Précise. qui est pas assez précise. Ahsan, qui n'est pas assez précise. Il dit pourquoi? Parce que dans cette définition-là, on peut faire rentrer aussi al-fusukh. Fusukh al-nikah. Le nikah qui a été fasr al-nikah, c'est l'annulation du mariage. Et on va voir, inshallah, c'est quoi le but visé par fasr. Taïb. Donc, Cheikh Al-Uthaymine, il dit ولهذا يجب أن يزاد فيه أو أن يزاد فيه بلفظ الطلاق أو كان بمعناه. دونك فيكون الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه. دونك لو طلاق سي لو في دو رومبر لو ليان دو مارياج أو أون بارتي دو سو ليان أن برونونسون لا برونونسيون دو ديفورس ou ce qui va du même sens. Tamam? Parce que lorsqu'il a rajouté en prononçant le talaq, ça fait sortir ce qu'on appelle les annulations de mariage. Tamam? Mathalan, ou sayati, inshallah. Tamam? Vous avez écrit ça? Taïb. فائدة الفرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقتين الطلاق والفسخ. Donc là on va approfondir ce qui est au sujet de l'annulation et du divorce. Donc il faut savoir que la séparation entre l'homme et sa femme, la séparation entre l'homme et sa femme, ça ne peut se produire dans l'islam que de deux manières. Soit par le divorce, soit par l'annulation du mariage. والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوج وله ألفاظ مخصوصة معروفة. C'est quoi la différence entre le talaq et le fasr? Il y a plusieurs différences. Mais la première, c'est que le talaq, c'est une séparation qui a lieu par la prononciation du mari. Tamam? Ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est le talaq. Tamam? Par la prononciation du mari. وَأَمَّا الْفَسْخ فَهُوَ نَقْدٌ لِلْعَقْدِ نعم وَحِلٌ لِلْتِبَاطِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ أَصْلِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَيَكُونُ بِحُكْمِ الْقَاضِي أو بحكم الشرع. Tandis que le fasr, c'est la rupture des liens du mariage à sa base, comme s'il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait jamais rien eu. Tamam? Comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et ceci se produit soit par une décision du juge, soit par une décision du juge, soit tout simplement par bihukm al-shar, par le jugement du kitab et de la sunna. طيب طيب تريد الفسخ طيب واما الفسخ فهو نقد للعقد وحل للارتباط الزوجيه من اصله كانه لم يكن ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع. نعم. Donc ça c'est la base, le quand vous entendez fasr al-nikah, vous retenez juste que fasr al-nikah, ça veut dire c'est une séparation entre l'homme et sa femme, mais qui vient pas du côté du mari. Tamam? Si ça vient de la part du mari, ça s'appelle talaq. Tamam? ومن الفروق بينهما et on va citer quelques différences entre le fasr et le talaq. الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ولا يشترط رضاه ولا اختيار. Première différence, c'est que le talaq, lui, il est obligé d'être prononcé par le mari. Tamam? Et on est obligé d'avoir son accord dans le talaq. Tamam? Tandis que le fasr, là, on ne regarde pas son agrément. L'annulation du mariage, là, elle ne regarde pas. On ne regarde pas l'agrément du mari. والطلاق أسبابه كثيرة وقد يكون بلا سبب. Et on va le voir aussi dans ce chapitre là. أما الفسخ فلا بد من سبب. Et le talaq, on peut l'accomplir sans qu'il y ait véritablement de cause. Sans qu'il y ait véritablement de cause. La personne, s'il lui vient à l'esprit de divorcer son épouse, il peut le faire sans qu'il y ait forcément de cause. On verra après, est-ce que c'est makro, est-ce que c'est pas makro. On va voir ça, Inch'Allah. Lakin, le fasr, mais en ce qui concerne l'annulation, là, on est obligé de trouver une cause. On est obligé de trouver une cause. Par exemple, madame, rajulun, ماذا تزوج بامرأة تمام وهو تارك للصلاة et lui il laisse la prière. Si lui il laisse la prière, est-ce qu'il est musulman ou là على المشهور انه ارتد. L'avis le plus célèbre, le plus connu, c'est que celui qui laisse la prière, il a certes apostasié. طيب, à partir de là, le juge il va annuler leur mariage si toutefois cette personne-là elle s'entête à ne pas faire la salat et à ne pas reprendre la salat. Tamam? À partir de là, ce sera un fasr. Donc là, on a vu qu'il y a une cause. Mais sans cause, on ne peut pas annuler un mariage. Non. طيب, troisième farq, la raji'ata liz-zawj 'ala zawjatihi ba'd al-fasr. Il n'y a pas de récupération. Une fois qu'il y a une annulation de mariage, on peut pas, il n'y a pas de récupération pour le mari vis-à-vis de son épouse. Non. Tandis que s'il divorce, le divorce raj'i, il peut récupérer son épouse. Taïb, il peut récupérer son épouse. Talaq raj'i. Par exemple, il y a Khana Anas. حياك الله وحفظك وبارك الله فيك وزادك من فضله. الآن واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا والآن يريد يرجعها وهذه ما تريد, كيف الموضوع؟ Si un homme il a divorcé son épouse d'un divorce récupérable, mais elle ne veut pas retourner, elle ne veut pas revenir avec lui, qu'est-ce qu'il y a quoi? Allahu alam. Hassan, Ali, qu'est-ce qu'il y a quoi? T'as plus pour lui, Ali, Abdel Ghani, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il peut la reprendre. Il peut la reprendre, mais elle ne veut pas. Voilà, s'il la reprend, mais après, ce sera de demander. Aïe, Allah, il dorrok, Yannis. Hadi raja, le talak récupérable, laisse les auja, un ta'ba. La femme, elle n'a pas le droit de refuser. Ça, c'est un haq les auja. C'est le droit du mari de la récupérer. Maintenant, si elle n'est pas d'accord sur le fait de revenir avec lui ou pas, elle revient avec lui. Et après, elle demande le khulu'. Le khulu', c'est quoi, Yahouan? C'est un fasr ou là, c'est un talaq? C'est un fasr. Parce que ça vient pas du mari. Ma foi? Non. Oui. وكذلك من الفروق الفسخ لا يحسب من عدد الطلاقات. Et parmi les différences aussi, c'est que l'annulation, on ne la compte pas parmi le nombre de divorces. Une annulation, on ne le compte plus comme faisant partie du nombre des divorces. Fa, madame, al-khulu' mathalan, le khulu' qui est une annulation selon la vue le plus juste, ça ne fait pas partie. Une femme qui a demandé le khulu' de son mari, qui s'est séparée de son mari, et après ils se sont remis ensemble. Est-ce qu'on compte le khulu' si jamais il la divorce une deuxième fois, si jamais il la divorce? Non. Est-ce qu'on va prendre? Là, c'est un nouveau mariage. C'est un nouveau mariage, c'est des nouveaux couillots. C'est un nouveau contrat. Mais est-ce que ça repart à zéro? Ça repart à zéro. Non, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, elle a demandé un homme, c'est quoi ce qu'il a talak, ensuite il a reprise, ensuite elle, par exemple, elle a demandé le khulu'. Est-ce que maintenant, mais ça revient à zéro? Ça revient à zéro. Du moment qu'elle a demandé le khulu', il lui a donné, ils se sont séparés, et ils reviennent. Khalas. Parce que là, c'est un nouveau contrat. Ouais, c'est un nouveau contrat. Faux? Non. نعم المهم هناك فروق كثيرة كذلك من الفروق الفسخ قبل الدخول لا يجب للمرأة شيئا. L'annulation avant qu'il y ait une consommation de mariage. Ça, l'annulation avant qu'il y ait la consommation du mariage, par exemple, il a fait l'acte. Mais le mariage s'est annulé. Soit parce que, voilà, il a laissé la prière ou il est au Cheminder. Ou soit parce qu'elle-même, elle a laissé la prière et c'est une mushrika. C'est une associatrice. Et ça, c'est formellement interdit de marier les associatrices. Non. Autre que les femmes du livre. Donc là, si il a fait l'acte et on annule le mariage, mais il n'a pas consommé, là la femme elle a rien, elle n'a pas le droit à quoi que ce soit, parce que c'est une annulation. Mais si c'est un divorce, est-ce qu'elle a droit à quelque chose? La moitié de la dot. C'est un haq. C'est un haq qu'elle a de moitié. Non. Déjà, si vous retenez ça, déjà, c'est mashallah. Non. Et comment on fait la moitié? C'est, par exemple, si c'est un bien, une bague ou je sais pas, on si prend c'est, la valeur de la bague. Voilà, si c'est par exemple une bague ou quoi, ben on va calculer la valeur de cette bague-là et on va donner la moitié en argent. C'est-à-dire en monnaie. Et le mieux, c'est de laisser. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, si toi, tu lui as donné la dot, le mieux, c'est de rien reprendre. De laisser. Vous voyez? Ouais. Donc, on prend juste une petite faïda comme ça à la tarir. Malfarq bayna nikah al-fasid wa nikah al-batil. Parce que là, on a parlé des fasq. Et bon nombre de frères, ils peuvent se demander... c'est quoi aussi le nikah qu'on appelle nikah fasid et nikah batil? Nikah fasid, c'est quand tu divorces alors qu'elle est en monstrueux, c'est alors qu'elle a ses monstrueux. En fait, là, c'est un divorce. Là, c'est le divorce. Là, on parle du nikah. Nikah fasid. Nikah fasid ou nikah batil. Un mariage qui est perverti ou un mariage qui est faux. Il y en a un, faut refaire le contrat et pas l'autre. Les deux, faut refaire le contrat à la sahih. Une carte bâte et une femme qui venait à se marier sans wali. Hein? Et ouais? Thomas, elle facile? T'as donné le misal de facile. Ahsant, Allah est dans moi. Vous retenez, ça aussi c'est très important. Le bâti, c'est pas ça que l'on hein? Le mari qui est un non-musulman. Aïe, tamam. En fait, le nikah al-fasid, pour que ça soit plus rapide pour vous, le nikah al-fasid, ce qu'on appelle nikah perverti, c'est celui où à la base duquel il y a une divergence entre les savants. Tamam. Comme le nikah bil-ghayr wali. Comme le mariage sans que les tuteurs. Ça, il y a une divergence entre les savants. Même si l'avis le plus juste est celui sur lequel la plupart des savants y sont, c'est que c'est une obligation, c'est une condition de mariage que madame, l'accord du tuteur. Tamam? Ça, c'est ce qu'on appelle le nikah al-fasid. Celui où, à la base, il y a un khilaf. Donc, celui-là, on dit nikah fasid. Et celui où on dit nikah batil, ça, c'est celui où il n'y a pas de khilaf. Hada ajma'u alayh. Annahu batil. Comme le fait que la femme se marie avec un non-musulman, ça, bighayr khilaf. Tamam? Tayyib, qala. Ensuite, là, on va dire certaines paroles. يعني من كلام الشيخ البسام في مسألة أو في مقدمته على كتاب النكاح لشرحه على عمدة الأحكام قال والأصل في الطلاق الكراهة والأصل في الطلاق الكراهة للحديث المتقدم ولأنه حل لعروة النكاح أو لعرى النكاح الذي رغب فيه الشارع وحث عليه وجعله سببا لكثير من مصالح الدين والدنيا. Donc l'imam al-Bassam il commence son introduction en disant la base dans le divorce c'est que c'est détestable. Tamam? La base c'est que le divorce c'est une chose détestable. Ensuite, il dit, et ceci en vue du hadith précédent, c'est un hadith qu'on va voir. Ceci en vue du hadith, et aussi parce que il anéantit le lien du mariage. Il anéantit le lien du mariage, alors que c'est un lien auquel Allah subhanahu wa ta'ala a fortement enjoint. Auquel Allah subhanahu wa ta'ala a fortement enjoint, que ce soit dans le Coran ou selon la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Et c'est un lien, c'est-à-dire le lien du mariage, c'est un lien dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a déposé énormément d'intérêts pour l'être humain. Que ce soit des intérêts relatifs à cette vie d'ici-bas ou à l'au-delà. وَلِذَا فَإِنَّ الطَّلَاقُ سَبَبٌ فِي إِبْطَالِ هَذِهِ الْمَصَالِحِ وَإِفْسَادِهَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Ensuite il dit... Et c'est pourquoi le talaq est une cause de l'annulation de ses bienfaits. L'annulation de ses bienfaits et la perversion de ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la perversion. Cheikh al-Bassam يتكلم بهذا الكلام لأنه يعتمد على حديث. ما هو الحديث? Cheikh al-Bassam il parle de cette parole parce qu'il se base sur essentiellement sur un hadith. Qui connaît ce hadith? Là, il est en train de dire que le talaq, c'est détestable parce que ça annule certains ou énormément de bienfaits. Hein? Je vais le valer. Le péché le plus détesté ou bien le bon péché? Des choses autorisées. Quoi. Voilà, le yani, abghadul halal. La chose la plus licite, la plus détestée par Allah, c'est le divorce. Voilà, la chose licite. La plus détestée auprès d'Allah Azza wa Jal, wa talaq. Donc l'imam al-Bassam, il se base sur ce hadith. la chose licite, la plus détestée auprès d'Allah, n'est autre que le divorce. فَمِنْ هُنَا قَالَ فَمِنْ هُنَا كَرِهَا الشَّارِعَ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ نِعْمَةٌ كَبِيرًا وَفَضْلٌ عَظِيمٌ. Donc il dit, sur le point de vue que ça coupe et que ça rompt, certains ou bon nombre de bienfaits, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a détesté cette chose-là. Mais lorsqu'on en a besoin, le talaq devient alors une ni'ma, devient alors un bienfait énorme pour le serviteur. Il yahsul bihi al-khulas min al-ishrat al-murra. Pourquoi? Parce que avec le divorce, la personne, elle peut se libérer d'une forme de vie qui était amère. Si par exemple, il ne se supportait pas l'un de l'autre, ou lui, il ne supportait pas son épouse, ou vice-versa, avec le talaq, l'un d'entre eux ou les deux quitte une vie qui était amère. Et ça, c'est un bienfait. Ça, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Wa qala wa firaqu man la khayra fil baqa'i ma'a imma li dha'fin fi ad-din aw su'in fi al-akhlaq aw ghayri dhalika mimma يسبب قلق مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع. نعم. car ça permet de séparer entre d'une personne, enfin ça permet de séparer l'homme de la femme si toutefois l'un des deux n'avait pas de, il y avait pas de, d'intérêt, il y avait pas de bien dans le fait qu'ils restent ensemble, dans le fait qu'ils restent ensemble, soit par rapport au fait que l'un d'entre eux à des manquements religieux ou des manquements dans son comportement ou autre, parmi les choses qui provoquent de la gêne, qui provoquent de madin une mauvaise vie. Wallahu hakimun alimun wasi'ur rahma. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes le sage, le connaisseur et celui dont la miséricorde découle sur toute chose. Parce que le talaq, c'est vraiment une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité. إِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتَهُ وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ مِنْ كُلَّا مِنْ سَعَتَهُ. Et s'ils viennent à se séparer, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala enrichisse les uns et les autres de son bienfait. وَبِهَا تَعْرِفْ جَلَالَ هَذَا الدِّينِ وَسُمُو تَشْرِعَاتَهُ وأنها الموافقة للعقل الصحيح. Et avec ce genre de règles, tu comprends et tu arrives à affirmer et à être convaincu de la grandeur de cette religion. De la grandeur de cette religion. Parce que dans cette religion, il y a des règles qui sont en total accord avec la raison saine. En total accord avec la raison saine. Comme le divorce. نعم. فقال طيب وأنها الموافقة للعقل الصحيح والمتماشية مع مصالح الناس. Donc c'est les règles qui se trouvent dans le Coran ou dans la Sunna, que ce soit le divorce ou autre. Ce sont des règles en vérité qui vont avec la manière et la façon d'être de l'être humain. Tout est en accord. Tout est en accord. Wa li hada qala ba'd dhalik madha wa bi shar'i at-talaq 'ala al-kayfiyya al-atiya fi wasat al-ahkam wa qawami al-umur. Il dit que le fait d'avoir légiféré le divorce, de la manière dont on va le voir, ça rend cette religion, ou ça rend ces jugements, ça les rend élevés. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré le divorce, comme on va le voir, c'est d'une manière excellente. Ça veut dire que celui qui en vérité, il pratique le divorce, comme il est venu dans selon le Coran et la Sunna, lui, il n'aura pas de regrets. Il va trouver le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. Et vice versa pour l'épouse. Non. طيب. خلافاً قال خلافاً لليهود والمشركين الذين لا يبيحون الطلاق. خلافاً للمشركين واليهود الذين يطلقون كيف شاءوا وبغير عد ولا كرامة. Et ceci est différent des juifs et des mouchriquines. Parce que chez eux, ils peuvent divorcer quand ils veulent, à n'importe quel moment, comme ils veulent. Il n'y a aucune règle. وخلافا للنصارى. Et aussi, c'est contraire à la voie des chrétiens. Les chrétiens, ils ont le droit de divorcer. Voilà. Ils n'ont pas le droit de divorcer, quoi. Bon, quand on dit chrétien, yani, c'est les madas, c'est ce qu'on appelle les catholiques. Amma chez les orthodoxes ou les protestants, l'amr ahwan. Lakin les catholiques, ils n'ont pas le droit de divorcer. C'est-à-dire, eux, quand ils se marient, mahma yakoul, même si plus tard l'homme bat sa femme comme un bétail ou quoi, ma fille, y a pas, elle n'a pas le droit de se séparer de lui, lui, il n'a pas le droit de la divorcer. Non. Et ça, c'est un problème ou c'est. Ou madame. C'est un problème. Ils sont mariés en fait pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Et nous, on est mariés pour le meilleur. Ils pensent qu'ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Non. Alors qu'en vérité, ce genre de mariage, c'est que pour le pire. Il n'y a pas de meilleur. Le meilleur, c'est fi nikah al-islam. Non. Et donc le Cheikh Al-Bassam, il dit « ولذلك أخذت به أوروبا وأمريكا لما رأوا مصلحة لما رأوا المصلحة والمنفعة. » Il dit, c'est pourquoi vous voyez qu'en Europe et aux États-Unis, ils ont légiféré le divorce parce qu'ils ont vu qu'il y avait des intérêts, il y avait des bienfaits. Mais sinon, à la base, l'Europe, elle suit quelle religion ? Ils sont chrétiens. Et ils suivent qui ? Ils suivent l'Église. L'Église catholique, normalement. Normalement, l'Europe, c'est l'Église catholique et même les États-Unis. Mais quand ils ont vu qu'il y avait des intérêts, il y avait. Il y avait de la difficulté à rester dans ce que appelle leur religion, ils ont laissé. وما أشد ظلما يا إخوان من النصارى واليهود والضلال. نعم إيه. بس هؤلاء يعني ما يبالون بدينهم أصلا. ما يبالون بدينهم أصلا. Regardez les chrétiens comment ils peuvent mettre leur religion derrière le dos dès qu'ils voient un quelconque intérêt. Ils ont copié sur nos méthodes de divorce pour appliquer leur propre. Non, c'est ça qu'il évoque. Ils ont copié les méthodes de divorce de l'islam pour les mettre dans leur loi. Non. Voilà, avant, à l'époque où le prophète il est venu, les chrétiens ils n'avaient aucune considération pour la femme. Jusqu'à, on parle de talaq ou de. Pour elle, la femme, c'était un objet. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est dans les livres d'histoire. Non. Ala kulli hal, et انظروا يا اخوان, الان, tellement ils ont plus de sultan, tellement ils ont plus les soi-disant savants, soi-disant prêtres ou autres, parmi l'église. Dès qu'ils vont faire l'inkar al-munkar, dès qu'ils vont ne serait-ce que critiquer un mal qui est connu de tout un chacun. Par exemple, le fait de dire que, je ne sais pas, comme le pape là, lorsqu'il a dit au sujet de l'homosexualité, comme quoi, il faut voir s'il n'y a pas un problème, il y a un khalal fil akl. Ah, c'est sahih. Et dès qu'il a dit ça, khalas, interdit, ou kalam, hona, hatta, taraja. Jusqu'à, il est revenu, il s'excuse, il présente. C'est pour que vous compreniez que, al-Nasara, ma hum alashi. Ils sont sur rien. Dès que le moindre vent, khalas, ils partent avec le vent. Non. طيب قال الشيخ العثيمين في شرحه لصحيح مسلم وحكمه انه تجري فيه الاحكام الخمسه فيباح احيانا ويستحب احيانا ويجب احيانا ويحرم احيانا والاصل في الطلاق انه مكروه وهذا هو الاصل لانه بالطلاق يكون التفكك تفكك الاسره. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, pareil, il reprend les mêmes paroles que l'imam Al-Bassam, et il dit que le talaq, le divorce à la base, c'est détestable. Pourquoi c'est détestable ? Parce qu'en fait, avec le talak, il y a des familles qui vont s'éparpiller. Et c'est pourquoi, vraiment, il y a un Khouan. Ça, c'est des doulos. C'est Yani Laboud. Si on veut vivre une bonne vie, il y a des dunya, Laboud en nakoun fi ilm, ala ilm. On se doit d'être sur une science. On se doit d'être sur une science. Si on veut vivre une bonne vie dans nos couples, avec nos enfants, avec nos frères, fillah, wa ma'a jami' al-nas. Fa là, la Cheikh Al-Uthaymeen, quand il dit que le talak à la base c'est détestable, ça doit nous pousser à réfléchir. Et à patienter. À patienter face au talak. Là, là, il y a des gens qui talak fi adna al-asbab. C'est pas quelqu'un qui vient et divorce sa femme pour la moindre des raisons. Là, yasber. Yasber. Sabr. Yasber sabran. Pourquoi? Parce que ça va provoquer une séparation dans les familles. Que ça soit, même si il y a un Khan, même si c'est comme un accord. Même si c'est comme un accord. Le divorce, il va quand même séparer. Entre l'homme et la femme, et entre Obama, les enfants et le père, ou les enfants et la mère. Taïb là, il a divorcé de sa femme. Il a des enfants avec elle. Taïb, les enfants, ils vont rester avec qui? Fil ghalib, ma'al om. On est d'accord. Mais même la mère, regardez, si on réfléchit bien. Même la mère, si demain, elle est en hajj, elle ressent le besoin de se marier, elle se remarie, ses enfants, ils vont passer, s'ils sont toujours en dessous de l'âge du tamyiz, en dessous de l'âge de la... Comment on pourrait dire tamyiz? Du discernement. Ses enfants, ils vont passer sous la garde de son mari. Ça veut dire que ses enfants, ils vont être séparés d'elle. Si elle se remarie, et que son ex-mari, le père des enfants, il est présent et veut les enfants, c'est lui qui est le plus en droit d'avoir la garde des enfants. Si toutefois, il n'y a pas de cause qui fait qu'on ne lui donne pas la garde des enfants. Par exemple, le fait qu'il ne fasse pas la prière, le fait qu'il ne soit pas pieux ou autre. Il est plus en droit d'avoir les enfants ou c'est les enfants, ils ne sont pas exactement chez lui. Il est plus en droit d'avoir les enfants, c'est-à-dire que... C'est pas direct avec son mari, c'est-à-dire que les enfants, ils mangent. En fait, si lui, il les demande, khalas, direct, elle doit lui donner... Pas de khilaf. Il n'y a pas de... Laysa hunak khilaf. Laysa hunak khilaf, l'an al-hadith, sarihun fi dhalik. Fima alam. Mais lui, s'il se remarie, si sa femme se remarie et lui aussi il est marié, ça annule ou pas? Lui, s'il se remarie, s'il se remarie et que les enfants ils sont avec lui, ouais. Est-ce que la femme. Non. En fait, c'est une sagesse. Si les deux se sont remariés, il c'est plus obligé qu'il les prenne. Non. En fait, la mada, ça c'est propre à la femme. La femme, une fois qu'elle s'est remariée avec un autre homme, ses enfants. Le droit de tutelle ou le droit de garde, elle le perd face à son ancien mari. Pourquoi en fait, c'est juste par une sagesse d'Allah Azzawajal qui fait qu'il sait que la femme, lorsqu'elle se remarie, elle va être beaucoup prise par l'occupation de son nouveau mari sur celle de ses enfants. Tandis que l'homme, lui, s'il se remarie avec une femme, il n'est pas occupé sur l'éducation de ses enfants. Wa shar'ullah. Ça c'est la religion d'Allah, c'est wa huwa a'lamu bina minna. Et lui il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui nous a créé comme ça. Donc ça fait partie des hikmah. Le fait que la femme aussi elle va pas donner les droits entièrement à son mari par l'occupation des enfants. Et aussi ouais. Na'am. Et aussi il se peut que ça soit pour la raison que la femme si elle garde ses enfants auprès d'elle, il se peut qu'elle soit préoccupée par ses enfants sur le droit du nouveau mari. Et c'est pourquoi le prophète sallam a fait l'éloge des femmes arabes de Quraysh en disant que ce sont les meilleures femmes du monde. Pourquoi? Parce qu'elles, lorsqu'elles se séparent de leur mari, pas à cause de la mort de celui-ci ou autre, elles ne se remarient pas juste pour protéger l'éducation de leurs enfants. Pour qu'elles ne soient pas occupées sur l'éducation de leurs enfants, et qu'ils grandissent dans une bonne croissance. Al-muhim ya ikhwan, at-talaq ya ikhwan, la siyama fi asrina hadha, amrun la yurja ilayhi illa ba'd shaqq al-anfus. Ça doit être une affaire en vérité qu'on ne revient pas sur, on ne vient pas dessus si ce n'est après avoir essayé tous les moyens. Mais quand je dis tous les moyens, ikhwan, c'est tous les moyens. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخره وكذلك ماذا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتم شيئا ماذا فإن كرهتم طيب ماذا فعسى أن تكرهوا شيئا فقد جعل الله فيه خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى قد حثنا, الله سبحانه وتعالى nous a demandé de patienter sur nos épouses de manière à ce qu'on n'arrive pas au talak très rapide. Rapidement. Non, il faut patienter. Il faut patienter. Allez, ben on va terminer, Inch'Allah, sur une dernière masala. Et après, Inch'Allah, on vous réparera, Inch'Allah. Allez. Juste, on termine les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. Taïb, qala, otafuitu. Non. Donc, le talak, il dit que ça provoque la division de la famille. Otafuitu al-masalih allati min ajliha amara al-shara bin nikah fayakunu makruhan. وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ماذا يا إخوان ضعيف. Donc le hadith qui a été rapporté au prophète صلى الله عليه وسلم dit le licite le plus détesté auprès d'Allah n'est autre que le talaq. Ça c'est un hadith ضعيف comme Cheikh Al-Uthaymeen a évoqué dans son charh de Muslim et comme d'autres ont évoqué. Donc certains savants, ils voient qu'il est authentique, mais le sahih, c'est qu'il est da'if. C'est un hadith da'if. Tamam. وَلَا يَسْتَقِيمُ مِنْ حَيْتُ الْمَعْنَى. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il va plus loin, il dit, de toute façon, même dans le sens, ça ne convient pas. Le sens, il est ambigu. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُبْغِضًا لِلَّهِ لَكَانَ مُحَرَّمًا. Parce qu'il dit, s'il était détesté chez Allah Azza wa Jal, ça aurait été un interdit. Ça aurait été haram, tout simplement. Non. ولا يصح ولا يصح أن يقال أبغض الحلال لأن الحلال ليس فيه بغض لله. Et donc ça convient pas de dire que c'est la chose licite la plus détestée. Pourquoi? Parce que si c'est licite, il y a pas de dégoût, il y a pas de colère d'Allah Azza wa Jalla sur une chose qui est licite. لكن الأصل في الطلاق مكروه. Mais lui, il te dit, la base dans le talaq, c'est que c'est détesté. Pas par rapport à ce hadith, mais par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment. Non. On termine juste sur cette message-là. Message-là. هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟ Non. Hein? Non. Est-ce qu'il est permis à un homme? Est-ce qu'il est permis? Ou est-ce qu'il est obligatoire à un homme d'obéir à son père lorsque son père lui dit de divorcer sa femme? Yajib. Yajib. La Yajib. Disons que Ibrahim il a dit à son fils Ismaël, mais c'était dans un autre contexte. Qu'est-ce que c'est Ibrahim? Ah mais c'est presque qu'il a pas obligé, c'est presque qu'il a pas obligé. Qu'est-ce que c'est Ibrahim? Les histoires d'Ibrahim lorsqu'il a, il est venu visiter son fils. Si la femme Ahmed Allah comme on dit, tu la gardes, la femme Ahmed Allah, faut qu'il y ait une cause. Faut qu'il y ait une cause. Mais là, c'est quoi ce qu'il a conseillé Ibrahim? Il a pas obligé. C'est quoi ce qu'il a pas rendu obligatoire? Ibrahim, il a pas rendu ça obligatoire, hein. Mais Allah alam, parce que il lui a dit, chance qu'il y a à ta porte quand il revient. Ibrahim, il a, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Ibrahim, il est venu visiter Ismaïl un jour. Il est venu le visiter et il ne l'a pas trouvé chez lui. Quand il est rentré, comme vous savez, le beau-père, il a le droit de... C'est un mahram pour la femme. Donc il est resté avec la fille de son fils. Et elle n'a cessé de se plaindre de la mauvaise vie qu'il menait ou de la vie besogneuse qu'il menait. Donc quand... il est parti, Ibrahim. Il a dit à cette femme-là, tu diras à ton mari qu'il change le seuil de sa porte. Qu'il change le seuil de sa porte. Et dès qu'Ismaïl il est rentré, il a compris tout de suite la parole de son père, et il a divorcé sur le champ son épouse, en lui faisant comprendre que le seuil de la porte n'est autre que toi. C'est un hadith, ça ? C'est un hadith qui est sahih. Il est dans Riyad Salihin, Jamil, Jiddan. Oui. لعلنا نذكره في درس القادم. طيب دونك الثابت قال الشيخ ابن حزام حفظه الله الثابت في او ثبت في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه ان اباه امره ان يطلق امراته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. Ça a été confirmé dans le Sunan al-Tirmidhi que Abdullah ibn Umar, son père, Il lui a ordonné de divorcer de sa femme. Et le compagnon est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète lui a dit divorce-la. Le prophète lui a dit divorce-la. Et c'est un hadith sahih. Wa thabata an Abi Darda, inda Ahmad wa ghayrih, annahu su'ila an rajulin imratuhu aw amaratuhu ummuhu an yufariqa imra'atahu. Et il est venu de la part d'Abi Darda, dans le recueil de l'imam Ahmed. Abu Darda, il a été questionné au sujet d'un homme dont la mère lui demande de divorcer sa femme. Donc Abu Darda lui dit, « Ma ana billadhi amruka an tufariq, wa ma ana alladhi amruka an tumsik. » Je ne suis pas de celui qui va te dire de divorcer. Mais je ne suis pas de celui qui va te dire de garder. Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Al-walidu awsatu abwabu al-jannah fa in shi'ta fada'ha fada'hu ou fada' dhalika al-bab ou ihfadhu. Mais j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le père est la porte du milieu et la porte la plus c'est la porte centrale du paradis. Le père, c'est la porte centrale du paradis. Si tu veux, délaisse-la, ou si tu veux, protège-la. Mais lui, Abu Darda, il va pas prendre l'initiative de dire ouais, divorce. Mais en tout cas, si ton père te demande, فَعْلَمَ أَنَّ الْأَمْرِ جِدْ. Sache que c'est une affaire à prendre au sérieux. وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدْ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدْ طَاعَةُ أَبِيهِ الصَّالِحُ الْعَدْلِ إِذَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ. L'imam Ahmed dit, c'est une obligation à l'enfant d'obéir à son père si toutefois il est pieux et si toutefois il est de confiance. الْوَالِدْ السَّكْرَانِ. Le père qui est ivre, il vient et dit à son fils divorce. Même s'il dit ça 30 fois, c'est pas wajib mutlaqan. Mais on va voir de toute façon. Et si c'est la mère qui demande à son fils? Et si c'est la mère qui demande, fa yadkhul fi nafs al-hukm. Ça rentre fi nafs al-hukm. Ça rentre dans le même jugement. Laquelle on n'a pas fini. Là, on a évoqué une partie. C'est sans cause. On arrive là, Inch'Allah. On termine sur ça. وقال الشيخ الأثيمين في شرح رياض الصالحين ولكن ليس كل والد وليس كل والد أو والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته. Donc الشيخ الأثيمين dit, cependant, ce n'est pas tout père, tout mère qui ordonne à son fils de divorcer que ça y est, on doit obéir. تمام فان رجلا سال الامام احمد يا نم كي ادموندي على الامام احمد دونك سا جي با تروفي لا قصه مي سي شيخ العثيمين كي ليفوك دون شرح رياض الصالحين اذا يا نم كي ادموندي على الامام احمد فقال ان ابي يقول طلق امراتك وانا احبها. Mon père me dit de divorcer ma femme alors que moi je l'aime. Ça c'est un homme, il vient voir l'imam Ahmed, il lui dit, mon père, il m'ordonne de divorcer ma femme alors que moi je l'aime. Faqala l'imam Ahmed, la tutalliqha. Ne la divorce pas. L'imam Ahmed lui dit, ne la divorce pas. فقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم. Et des fois, ça aussi, ça fait partie de tariqa de Ba'd al-Nas. Ils ont déjà des réponses avec eux, mais ils veulent se réconforter. Ou ils veulent. Ils ont déjà les dalils, ils ont déjà ce qu'il leur faut, mais. La facilité. Ils veulent une facilité ou ils veulent. Un appui. Hein? Un appui. Et voilà, ils veulent un appui. Donc, l'imam Ahmed, il dit garde ton épouse. Lui, il dit mais le prophète, alayhi salatu wassalam, قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر. Et cet homme-là, il dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien ordonné à Ibn Umar de divorcer de sa femme lorsque son père Umar lui a ordonné de la divorcer. فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر وهل أبوك عمر. Et l'imam Ahmed, il a dit, est-ce que ton père c'est Umar? Hein, est-ce que ton père c'est Umar fi salahi ou fi taqwa ou fi ilmi ou fi birr ou fi sa'r shu'un? Est-ce que ton père est comparable à Umar dans sa piété, dans sa clairvoyance, dans sa droiture? Non. لأن عمر تعلم أو لأن عمر نعلم علما يقينيا أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا بسبب شرعي. Pourquoi? Parce qu'on a la certitude que Omar, il ne peut pas ordonner à son fils de divorcer sa femme si ce n'est qu'il y a une cause légiférée. Omar, on l'a appelé Omar al-Farouk. Omar, quand il passait dans un chemin, Shaitan, il avait peur. Shaitan, il prenait un autre chemin que le chemin d'Omar. Enfin, là, il te waham. On ne peut pas s'imaginer que Omar, il va demander à son fils de divorcer son épouse sans cause. Je sais qu'il y a un hadith, s'il y avait un message prophète après moi, la canne Amr. Eh non, Ahsan, il y a un hadith, sahih. Où le prophète Zazam dit si il y aurait eu un prophète après moi, cela aurait été Omar. Mais je suis le dernier des prophètes. Enfin, Omar, fadlou, adhim. Le mérite de Omar, ils sont indénombrables, ces mérites. وقد يكون ابن عمر لم يعلمه. طيب. Donc c'est obligé que le prophète, que Omar, il a ordonné à son fils de divorcer sa femme pour une cause, même si ابن عمر il était peut-être pas au courant. لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي. نعم. Donc ensuite Cheikh Al-Uthaymi il conclut, il dit وعلى هذا فإن أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها. Donc en prenant cela, Cheikh Al-Uthaymin il dit, donc si ton père ou ta mère viennent t'ordonner de divorcer ta femme alors que toi tu l'aimes et sans que tu constates une véritable cause légiférée, alors tu n'es pas obligé de leur obéir en cela. لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. Parce que ça fait partie des besoins que ressent l'homme et personne ne peut rentrer entre lui et son épouse dans cela. تمام؟ وهذا كما سمعتم هذا هو الحق. Donc dans cette مسألة là, l'avis le plus juste, c'est que s'il y a une cause légiférée, alors là, on se doit d'écouter leurs recommandations. Et s'il n'y a pas de cause, s'il n'y a rien du tout, enfin, là, t'as dit. Donc, il faut que ça vienne d'un père ou d'une mère qui est considérée comme étant pieuse, qui est considérée comme étant juste, qui est considéré comme étant loin de la mauvaise jalousie ou de certains mauvais comportements que l'on peut trouver ici et là. Alors pour une personne il voit son fils dans une relation hors mariage, il va dire là, truc, هذا أوجب. Ça c'est encore plus obligatoire. Normalement il n'y a pas à hésiter. وعليكم السلام. على كل حال هذا هو الدرس، وإن شاء الله comme on l'a dit, c'est un dars où il y aura beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. On espère vraiment que la plupart d'entre vous pourront y assister. Et ceux qui ne peuvent pas y assister, qui suivent ce cours par MixLR. Alhamdulillah, s'il y a des questions, on les prend.